peine. Et pendant tout le jour, comme dans les chaînes, tu espères l'amour, ton amour. C'est ce que chante la vie par ma voix. Tout ce qui vit d'espoir, d'effort, de joie. Chaque jour, et pour toute la terre. Que te font par ma voix ceux qui voient la mer, le vent.